qui pour moi. L'amour que j'ai pour elle n'est-il pas le plus pur, comme le plus sacré? Oh mon âme, un coupable désir est-il jamais montré? Oui, je mentais, au lieu d'ouvrir sans tête, viens toujours mentir. Être trop de honte et de faiblesse, je dois pas me partir. Partir, non, je ne sais que me rapprocher d'elle. Voyez fort, voyez fort. saisir que vous voyez heureuse. Mais ne plus vous le voir, c'est impossible. Thank you.